Bonjour à tous, très chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Gémozo, pour l'instant santé bien-être avec les secrets de Mathilde. Pour ceux qui écoutent mes chroniques depuis un moment, vous avez dû entendre que j'étais naturopathe. Et j'ai envie aujourd'hui de revenir sur les fondements de la naturopathie. Car c'est une pratique en vogue, mais je me suis rendu compte au fil des conversations que l'on ne savait pas vraiment en quoi consistait cette pratique. Je vais donc vous donner ma vision de la naturopathie et comment je l'aborde lors de mes consultations. Tout d'abord, la naturopathie est basée sur trois piliers. La gestion des émotions et du mental, la nutrition avec une alimentation saine, équilibrée et vivante, l'exercice physique à travers le mouvement et la respiration. Autour de ces trois piliers, nous allons trouver un équilibre et proposer différents outils pour maintenir la santé. Le premier principe du naturopathe, c'est ne pas nuire. Hippocrate disait « Face aux maladies, nous devons avoir deux choses à l'esprit. Faire du bien, ou au moins ne pas faire de mal. » Le second principe, c'est enseigner. Le naturopathe enseigne les règles d'hygiène vitale concernant tous les domaines de la vie sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel. Chaque plan est à prendre en considération pour retrouver et conserver une santé parfaite. La personne doit être dans une démarche responsable où elle sera prête à amener certains changements dans sa vie pour aller mieux. Là où l'on fait souvent une erreur, c'est que dans notre société et à travers les médias, nous avons pris l'habitude d'avoir tout de suite, nous recherchons des méthodes miracles. Mais ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Le troisième principe, c'est le causalisme. Découvrir et traiter la cause. Hippocrate disait « Recherchez la cause et traitez-la. Recherchez la cause de la cause et traitez-la. Recherchez la cause de la cause de la cause et traitez-la. » Le rôle du naturopathe n'est donc pas d'agir sur le symptôme, mais bien de remonter jusqu'à la cause de la pathologie et d'agir sur celle-ci de façon à rétablir l'équilibre naturel et faire en sorte que le symptôme n'ait plus à s'exprimer. Effectivement, en naturopathie, nous utilisons plusieurs outils, dont la phytothérapie, c'est-à-dire utiliser les principes actifs des plantes pour prévenir ou soigner certaines problématiques. Chaque plante va aider à tel ou tel maux et va soutenir certains organes et atténuer le symptôme. Cela dit, si on prend un peu de recul, cela se rapproche de l'allopathie, car nous allons utiliser quelque chose dans le but d'atténuer le symptôme. Bien sûr, en début de prise en charge naturopathique, cela va nous aider énormément. Mais il ne faut pas devenir « accro » entre guillemets à cela, les plantes, les super-aliments, mais plutôt favoriser l'homéostasie, c'est-à-dire la capacité qu'a le corps à s'auto-guérir. C'est là que se présente le quatrième et dernier principe de la naturopathie, qui est « la nature recèle son propre pouvoir de guérison ». Un corps humain en bonne santé possède en lui une capacité d'auto-guérison qui lui permet de retrouver seule la santé. Au cœur de l'organisme vivant se trouvent les forces de vie permettant d'y parvenir. Le rôle du thérapeute consiste à faciliter l'accès à ces forces en découvrant et en éliminant les obstacles qui s'y opposent. Le docteur Edouard Bach disait « guéris-toi toi-même ». Un naturopathe est un accompagnant, un éducateur de santé. Il ne guérit pas et ne soigne pas. Il fournit des outils à la personne pour que celle-ci devienne autonome dans la prise en charge de sa santé. Gardez en tête qu'il n'y a pas de solution miracle et que cette pratique demande une certaine assiduité et de l'implication. Je vous laisse avec une citation du docteur Bach. Tout ce que nous avons à faire, c'est de préserver notre identité, vivre notre propre vie, être capitaine de notre propre bateau et tout ira bien. Si la naturopathie vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Facebook Les Secrets de Mathilde. En attendant, retrouvez-moi tous les vendredis à 8h et à 13h30 sur Radio Gémozo. Je vous souhaite une très belle journée.